Yves Cousteau. Merci beaucoup à tous les deux. Belle odyssée à l'un et à l'autre. Le film sort donc mercredi prochain. On était heureux de vous avoir, Audrey Tautou, Lambert Wilson, avec nous pour l'annonce de la sortie de ce film ce matin en direct sur RTL. Merci. Bonjour à Julien Courbet. Bonjour Yves. Julien, je vous ai mis Jojo le Mérou dans une feuille de papier. Vous avez bien fait. Et puis on va vous le remonter, vous le faites griller pour votre déjeuner. Immédiatement. Et nous le partageons tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne matinée, Yves. Bonne matinée. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. La spéciale Portes Ouvertes, c'est le jeudi sur RTL. Il est 9h32. 9h30 et 11h. Il est 9h32, nous sommes en direct et c'est la journée porte ouverte. Ceux qui se sont inscrits en appelant à 9h du matin sont prioritaires. Nous travaillons sans filet le jeudi, donc appelez non-stop. Ça tombe bien, puisqu'on parlait de Cousteau, nous allons travailler sans filet, Maître Fellonneau. Vous rendez compte, comme tout ceci est préparé. Comment allez-vous? Vous nous avez inquiété hier, mais tout va bien finalement. Tout va bien finalement, alerte. Ah oui. Alerte, mais je suis soigné, ça y est, c'est bon. Eh bien, tant mieux, vous allez voir, elle sautille. Il y a également Hervé Pouchol qui est là. Ça va mieux aussi. Le négociateur. Donc c'est parti, allez, les fiches arrivent. Comme ça, au débeauté. Tiens, je vais vous prouver dans une seconde que Charlène a téléphoné tout à l'heure à 9h pile. Elle est déjà sur l'antenne. Nous allons tout faire pour vous aider. La radio qui aide les auditeurs avec le sourire porte un nom et vous l'aimez. Vous le savez, c'est RTL. Et depuis quelques jours, nous avions oublié de vous remercier d'avoir fait de cette émission l'émission la plus écoutée de France. Entre 9h30 et 11h, vous êtes à chaque instant quasiment 1 400 000, soit quasiment le double, c'est complètement fou, de nos concurrents. Alors, partez à Disneyland Paris, partez dans le parc de la féerie jusqu'au 2 novembre. Je vous offre maintenant donc les entrées au parc pour 4 personnes, une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge, entrée illimitée pour les deux parcs pendant 2 jours. 30 de 10, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu. Et ensuite, vous répondez à la question. En parlant des méchants, personnages de Disney, comment s'appelle le méchant dans Peter Pan? Réponse 1, le capitaine Tricot, ou réponse 2, le capitaine Crochet? 30 de 10. Touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, puis encore numéro 2 pour donner la bonne réponse. Ou SMS RTL au 74-900. Et si vous n'avez jamais été à Disney, vraiment jouez, parce que ça va être 2 jours de magie et de féerie. Vous avez l'impression d'être sur une autre planète. Ah oui. Complètement. Hervé, vous oh, savez. C'est génial. Hervé, il était avec une copine, il est resté 48 heures dans la chambre d'hôtel et il peut vous dire que ce parc Disney est quelque chose de fantastique. On a fait des tours de grande roue. Hein. D'ailleurs, la fille, quand elle est ressortie, elle est repartie en gueulant, mais qu'est-ce que c'est que ce Mickey? En parlant de lui, vous voyez, quoique elle-même s'est adapté au parc. Charlène, êtes-vous en ligne? Oui. Eh bien, tant mieux pour vous. Bonne journée. Charlène, vous nous appelez d'où? De l'heure. De l'heure, parfait, ça, je connais bien. Vous nous avez appelé à quelle heure, justement, de l'heure? 9h15. Vous avez fait construire, donc dans l'heure, je suppose. Exactement. C'est une maison l'année dernière, emménagement prévu octobre 2015, et il y a 3 mois, vous avez constaté que le terrassier a raccordé une évacuation directement. Dans quoi? Dans l'épandage, donc dans la cour. Ce qui a comme conséquence... Oh là, je n'ose... Vous n'allez pas me le dire, dites-moi. Mais que du coup, on ne peut pas utiliser les toilettes et la cuisine, parce que sinon ça déborde dans la maison. Ça déborde partout? Ça déborde par les toilettes. D'accord, c'est les eaux usées qui remontent? Exactement. Oh là là là là là, bon, vous l'avez immédiatement prévenu, que vous dit-il? Que le problème, c'est qu'en fait, le constructeur a donné un plan où c'était écrit document non contractuel, puisque peut y avoir des modifs de fait au niveau de la maçonnerie, ce qui a été le cas. Donc, pour lui, en fait, il est pas totalement responsable. Il reconnaît qu'il a pas branché, raccordé au bon endroit, mais pour lui, il est pas totalement responsable. Donc, ça fait 3 mois qu'on attend. Est-ce qu'il y a un architecte sur le coup? Non. Donc, Maître Fellonneau, qui est le responsable dans ces cas-là? Alors justement, j'ai une petite question. Vous avez fait un contrat de construction de maison individuelle avec ce promoteur immobilier? Oui. Oui, c'est ça. Donc en fait, vous n'avez jamais payé ce terrassier, vous n'avez payé que le promoteur? Alors non, en fait, on a fait avec le constructeur hors d'ordre. D'accord. Ah, ok. Bon, alors chacun a amené sa construction. Ça veut dire qu'on a deux responsables, effectivement. En premier lieu, c'est celui qui a fait les travaux et qui a mal fait les raccordements. Il essaye d'en faire supporter une partie au constructeur qui n'a pas bien fourni les plans. On verra. Mais il n'empêche qu'ils peuvent se répartir le coût entre deux. C'est quand même lui qui doit faire les travaux, les refaire. Donc, on appelle le terrassier. Et puis, on peut attendre d'un terrassier quand même qui branche le tuyau au bon endroit et qui ne nous renvoie pas des eaux usées. C'est quand même juste son métier. Hein, c'est comme si. A bien tout donné. Donc On l'appelle, c'est parti. Le terrassier, pour commencer, un bon cadeau usé pour démarrer cette journée de jeudi, avec des eaux usées qui remontent de partout. Inutile de vous dire que Charlène, sa nouvelle maison... Ça commence bien. C'est plus trop le rêve de sa vie. Hein. Non. Allô ? Allô ? Ah, très marrant. On était en pleine réunion, j'entendais parler. Peut-être qu'ils écoutaient, je ne sais pas. Alors, on y va, on y retourne. On rappelle, très bizarre, ça, ce qui s'est passé. Nous repartons appeler le gérant Terrassier, on aura le constructeur après. Ou alors la personne, vous savez, quand on est énervé, qu'on est en pleine réunion, des fois ça sonne, on prend et on raccroche tout de suite, parce qu'on veut pas être coupé dans son élan. Allô ? Allô, bonjour, le terrassier SARL Le Gouas ? Oui ? Bonjour madame, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas, ce n'est pas une blague. Je suis avec une de vos clientes chez qui vous êtes intervenue, Charlène Degoulet, qui a toutes les eaux usées qui remontent chez elle suite à un mauvais branchement. Malheureusement, problème technique, je pense qu'elle a raccroché sans faire exprès. On rappelle. C'est parti. Alors, est-ce que là, ça a déjà duré un petit peu plus longtemps que la première fois? Première fois, 2 secondes. Deuxième fois, 15 secondes. Tentons les 30 maintenant. Sauf si elle a compris que ce n'était pas une blague, ce qu'Hervé Pouchol semble penser. Votre instinct vous dit qu'elle ne veut pas nous parler. Oui, moi, je crois qu'elle n'a pas raccroché par accident. Ah. Allô, monsieur, la terrassier SRL Le Gouas? Oui. Bonjour monsieur, ce n'est pas une blague, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, je suis avec Charlène Degoulet qui va vous expliquer pourquoi on est sur l'antenne. Allez-y Charlène. Oui, monsieur Le Gouas ? Tiens, attendez, je vais vous passer ma femme parce que moi je suis pas tellement intéressé. Non mais je n'ai rien à vendre monsieur, je ne vends ni tapis ni rien. C'est votre femme, je l'ai eu il y a quelques instants, oui. Elle m'a raccroché au nez. On appelle parce que... C'est pas monsieur Le Gouas, on en a marre de ça. Il y a tellement de baratins, c'est 3 fois, 4 fois par jour. Non mais monsieur, c'est pas du baratin monsieur, c'est une dame chez qui vous êtes intervenu. C'est pas mon terrassier. Pardon ? Ce n'est pas mon terrassier, je crois. Mais attendez, j'ai bien demandé si c'était la SARL Le Gouas terrassier, c'est bien vous monsieur ? Terrassier, c'est mon petit gars qui est terrassier. Voilà, est-ce que vous pouvez me passer votre petit gars, le terrassier ? Non, je peux pas. Je peux vous donner son numéro de téléphone. Si avec plaisir. On parle bien de Yann Le Gouas. Voilà, c'est ça. Et là, vous êtes son père, peut-être ? Son grand-père. Ah, son grand-père. Ah, oui. Alors on y va. Bah, écoutez, attends, je sais pas comment. Je vais vous passer son numéro de téléphone. Génial. Merci. On le prend en antenne. Alors, je tiens à dire quand même à tous nos auditeurs que les numéros que l'on a, c'est ceux que nous donne Charlène. Hein. Charlène, c'est vous qui nous avez donné le numéro du grand-père. Ben oui, mais moi, il me répond plus depuis plus de 15 jours. D'accord. Bon, allez, on y va. C'est parti, on essaie d'avoir. Nous avons un numéro de portable, Julien. Eh bien, on va le faire dans une seconde. Aussi. Préparez-moi ça. Le grand-père, le constructeur, le père, la mère, le fils, la fille. Ah, mamia, quelle famille. On n'est pas prêt d'oublier la famille des mouches chambiers. Il est de bon ton, quand même, de rappeler les grands classiques de la chanson française. Alain Hazard, rédacteur en chef salarié, voudrait prendre la parole. Un petit peu salarié. Le numéro de téléphone que nous avons, le premier, n'est pas une erreur, puisque c'était bien le numéro de téléphone de la société. Charlotte a vérifié sur Internet. D'accord, ok. Non, mais peut-être que le grand-père est là dans la société. On peut domicilier une société évidemment. À son domicile. Heureusement, pour les jeunes qui s'installent, c'est salvateur comme mesure. Alors, on va le faire dans une seconde, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL. Restez avec nous. Comment va-t-on se sortir de cette histoire ? Je rappelle que toutes les eaux usées remontent partout. La canalisation a été branchée. C'est juste une catastrophe. Une maison en construction en plus neuve. Charlène, la mauvaise. RTL est là pour l'aider, bien sûr. Tous vos problèmes de construction complètement farfelus, c'est maintenant au 3210 ou Facebook, la page, ça peut vous arriver. A tout de suite pour l'appel. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 23 octobre, découvrez les journées soins visage Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins, profitez d'un diagnostic personnalisé et de 7 jours d'essai offerts. Les journées soins visage vous attendent dans les 670 magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Yves Rocher. Vous êtes nombreux à vouloir trouver une solution efficace contre la chute des cheveux. Essayez Capileo Ventichute, un complément nutritionnel aux actifs d'origine naturelle. Capileo Ventichute, c'est une gélule par jour et ça marche. Résultat visible dès 6 semaines. 91% des personnes qui l'ont testé sont satisfaites. Retrouvez Capileo Ventichute en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Comment je fais pour avoir de beaux cheveux dans tous mes films ? C'est un secret de star. Bon, ok, je vous le dis. Mon secret s'appelle Vitalitis. Vitalitis, toute une gamme de shampoings et de soins pour que vos cheveux soient toujours au top. Alors faites comme moi, demandez les produits Vitalitis à votre coiffeur. Silence plateau, s'il vous plaît. Vitalitis. Philippe, ce n'est pas le premier venu. Il dégage une chaleur de vivre, m'offre des soirées au coin du feu. Et lorsqu'il m'a invité au rendez-vous des affaires, oh, j'ai complètement flambé. Rendez-vous des affaires Cheminée Philippe jusqu'au 17 octobre. Cheminée, poêle à bois et à granulés. La qualité, les meilleurs prix. Cheminée Philippe, adressez-vous aux spécialistes, pas au premier venu. Magasin participant sur cheminée-philippe.com. Matériaux, Du 26 septembre au 15 octobre, c'est les prix qualité pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la laine de verre épaisseur 200 mm, lambda 40 pour isolation des combles est à 3,75€ le mètre carré. 3,75€ seulement. Alors, profitez-en. Tout Faire Matériaux. Gagnez en savoir-faire. 3,75€ le mètre carré, soit 20,25€ le rouleau. Le guide Hachette des vins 2017 est paru. Les meilleurs vins de France sélectionnés à l'aveugle. 450 coups de cœur, 2000 bons plans à moins de 15€. Grand cru, vins de terroir, des vins pour tous les goûts, à tous les prix. Le guide Hachette des vins pour choisir sans se tromper. Disponible aussi sur hachette-vin.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Ça fait combien de temps que vous avez envie de changer votre tapis, de vous offrir un nouveau parquet, une nouvelle moquette, de jolis rideaux? Avouez. Alors, il n'y a plus de temps à perdre. Ce week-end, chez Saint-Maclou, profitez de 15€ de remise immédiate tous les 100€ d'achat. Oui, 15€ offerts tous les 100€ d'achat sur les vinyles, tapis, moquettes, parquets, papier peint, rideaux, stores et même sur les carrelages et les peintures. Une bonne affaire qui arrive juste à temps chez Saint-Maclou. Offre valable du 6 au 10 octobre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Avec ce cas de construction, franchement, les canalisations mal branchées, toutes les eaux usées qui remontent partout dans la maison et Charlène qui se débat avec ça, nous avons appelé le numéro que nous a donné Charlène, celle du terrassier SARL Le Gouas, mais nous on est tombé sur le grand-père. Et donc maintenant, nous essayons d'avoir le petit-fils qui est le responsable, apparemment, il s'appelle Yann, mais est-ce que ça répond Hervé Pouchol, s'il vous plaît? Eh bien écoutez, le grand-père m'a donné le numéro de téléphone de son petit-fils. Et ça ne répond pas, j'ai laissé un message. Nous partons donc chez le constructeur, s'il vous plaît, Sarah, qui officie aujourd'hui et qui nous fait les numéros. Sarah va nous faire le numéro de cette société que l'on essaie de voir, comment lui peut nous aider au moins à rattraper le coup. Mmh. Ils ont essayé de nous aider déjà, mais on verra. Allô ? Oui, bonjour. Ah bonjour, Normandie Constructeur ? Non, Normandie Construction, monsieur. Ah bah d'accord, je croyais que c'était votre nom. Comment s'appelle la société, Charlène ? Normandie Construction. Voilà, Normandie Construction. J'ai dit constructeur parce qu'il y avait ça sur ma fiche, j'ai lu bêtement. Madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce que je pourrais avoir le responsable, s'il vous plaît ? Je vous fais patienter un instant. Avec plaisir, madame. Merci beaucoup. Donc, nous allons avoir, je l'espère, quelqu'un dans quelques instants. Alors, une nouvelle fois, on rappelle que cette société, on va donner d'ailleurs une super règle d'or, parce que vous qui allez faire construire un jour et qui allez mettre toutes vos économies et qui allez vous prendre, comme tout le monde, un crédit de 20 ans, ça va être l'achat de votre vie. Prenez les bonnes décisions quand vous faites construire. La règle d'or sur RTL. On est bien d'accord, Maître Felloneau, que si je n'ai qu'un seul interlocuteur, ça me facilite les choses après, s'il y a procès. Effectivement, vous avez souvent recours, et c'est ce qu'il y a de plus facile, avec... On va prendre quelqu'un, il y a une alerte, j'ai l'impression. Bien sûr, oui, oui. Sarah, je vous écoute. Je suis désolée, allez-y, Maître Felloneau, j'ai le terrassier à l'antenne, je vous le passe, Julien. Oui, allô, bonjour, monsieur. Yann. Oui, bonjour Yann, c'est Julien Courbet à l'appareil, la radio RTL, nous sommes en direct. Je suis avec Charlène Degoulet, qui va vous dire bonjour, Charlène. Bonjour, monsieur Le Gouas. Alors, monsieur Le Gouas, il paraît qu'il y aurait eu des branchements qui fait qu'elle a toutes les eaux usées qui remontent chez elle et que c'est un peu la catastrophe. Je voulais avoir votre version. Il a raccroché ? Oh, ah, là, non, il savait non, que c'était non, nous, non, c'est oui, pas oui. sympa. Bon, on reprend le constructeur dans une seconde. La règle d'or, pardon, de Maître Felloneau. Écoutez bien, quand vous faites construire une maison, si on n'a qu'un seul interlocuteur, qu'on signe un seul contrat, c'est mieux peut-être. Alors, effectivement, il y a un moyen juridique très, très performant qui s'appelle le contrat de construction de maison individuel. C'est une sorte de paquet. On vous livre clé en main. Vous devez avoir toutes les assurances aussi adéquates. Et donc, c'est vrai que c'est la garantie pour vous que lorsque vous commencez à payer, il va y avoir une maison construite. Parce que même si le constructeur fait faillite, il y a une garantie d'achèvement. Cela dit, Julien, on ne choisit pas toujours cette solution parce que c'est une question d'argent. Et que souvent, on a des gens qui font faire le gros œuvre par un ouais. professionnel et qui ensuite vont faire les travaux eux-mêmes. Voilà, le plaquiste, etc. Ils vont faire des tas de choses parce qu'ils ont des doigts de fée, tant mieux pour eux. Mais voilà un peu le problème, c'est qu'ensuite, on ne sait pas qui a fait quoi et la responsabilité des uns et des autres est plus difficile à cerner. Nous avons eu le terrassier SARL Le Gouas, Yann Le Gouas, qui vient de nous raccrocher au nez. Pensait-il que c'était une erreur ou bien a-t-il raccroché délibérément ? Nous refaisons son numéro, s'il vous plaît, Sarah. J'espère que ce monsieur Le Gouas va nous répondre. On va faire sinon un Le Gouaston, on l'appellera tous les jours parce qu'il doit nous expliquer pourquoi il y a des eaux usées, qu'il nous dise au moins vers qui je peux me tourner pour aider Charlène qui ne peut pas vivre dans cette maison. C'est quand même une... On va pas la laisser comme ça, voilà, tout le monde s'est trompé. Vous avez de l'eau usée qui remonte partout dans votre maison, c'est votre problème. Nous, on passe à autre chose. Trouvons la solution, je dis pas que c'est lui. Mais là, la politique de l'autruche ne mènera pas. Ça ne va pas nous aider. Hein. Alors, on va lui laisser un message. Voilà. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Monsieur Yann Legouas, terrassier SRL Legouas, Julien Courbet à l'appareil. Pour qu'il n'y ait pas d'autres de confusion avec d'autres Legouas terrassiers, je crois que vous êtes 3 rue de la Vallée au Maître. Dans quelle ville, s'il vous plaît, Charlène? Allô Charlène, au Bresto. Voilà, 27 350 Bresto. Monsieur Yann Legouas, il faut vraiment que l'on se parle. Soyez sympa, si vous voulez, en antenne, on n'est pas obligé de passer sur l'antenne. Mais dites-moi comment je peux faire pour aider Charlène. Vous avez fait cette installation de tuyauterie, là, toutes les eaux usées remontent. C'est peut-être pas votre faute, mais dites-nous ce qu'on peut faire. On va pas la laisser comme ça et vivre notre vie alors qu'elle a payé et se retrouve dans cette situation. Ça sert à rien de faire la politique de l'autruche, monsieur Legouas. Vous avez des clients qui vous écoutent. Prouvez-leur que vous êtes un pro et qu'on peut trouver des solutions. Donc je vous rappellerai tout à l'heure. Je vous rappellerai demain, je vous rappellerai lundi, mais je vais, s'il le faut, lancer un Legouaston. Il faut absolument que vous parliez à Charlène pour qu'on trouve une solution. Je compte sur vous. Donnez à ce monsieur le numéro du studio. Eh bien, ça démarre fort, Charlène. On ne va rien lâcher. Vous allez rester près du téléphone. Si quelqu'un connaît monsieur Yann Legouas, qu'il l'appelle, qu'il le ramène à la raison, il faut avancer. Hervé Pouchol, de votre côté, où en êtes-vous? Eh bien, écoutez, je vais vous passer la jeune femme parce qu'elle a un discours un peu particulier. Ah. Son responsable est occupé. Elle a raccroché, là, surtout. Eh ben, alors, voilà. Construction Normandie. Ah, on est toujours en ligne. Ah ben non, j'ai entendu, au revoir monsieur. Construction Normandie, allô? Voilà, ah, voilà. Alors, je vais vous résumer la conversation. Allez-y. Elle trouve absolument anormal qu'on appelle directement le constructeur. Elle dit qu'elle aurait pu régler le problème directement avec Charlène. Oui. Que le responsable est actuellement en communication, qu'il sait que RTL souhaite lui parler et qu'actuellement il ne souhaite pas nous parler. Est-ce qu'on a le nom du responsable? On va interpeller ce monsieur, gentiment, encore une fois. Ah, oui. Je m'adresse à Construction Normandie. Il y a des tas de gens qui nous écoutent. Vous êtes des gens super sérieux. Personne n'en doute. Et vous allez d'ailleurs avoir la possibilité de le montrer à des millions d'auditeurs. Une dame a une maison, elle ne peut pas l'habiter parce que les eaux usées remontent partout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'y êtes peut-être pour rien, mais vous allez pouvoir nous dire, voilà ce que nous, Normandie Construction, en tant que pro, on va pouvoir expliquer, aiguiller cette dame. Ou alors, vous faites la politique de l'autruche. Ne m'emmerdez pas avec votre radio de merde, hein, ce qu'on entend souvent. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec une femme qui est passée par Normandie Construction, même s'ils y sont pour rien, et qui ne peut pas habiter sa maison. Alors, est-ce que ceux qui vont bientôt contracter avec vous, vous doivent faire ça ou pas? Je ne sais pas, ça me paraît tellement aberrant. Donc, soyez sympa, trouvez-moi le nom de ce monsieur. Peut-être qu'il n'est pas au courant que l'assistant nous a dit ça. Normandie Construction, qui est rue de Saint-Hilaire à Rouen, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour être tout à fait complet, la jeune femme m'a dit, nous, on va régler le problème directement avec cette dame. Eh bien qu'il l'appelle là aujourd'hui. Voilà. Et puis voilà, alors Charlène. On les a déjà eu au téléphone, nous, le constructeur. Ouais, mais ça, Charlène, si vous me passez par moi, c'est que ça s'est mal passé avant. Sinon, vous ne m'auriez pas appelé. Donc, Charlène, appelez-les. Raccrochez et appelez Normandie Construction et dites-leur, voilà, maintenant expliquez-moi ce que vous faites pour moi. On se retrouve dans une seconde. Les cas arrivent au 32-10. Les cas construction, c'est toujours des gros cas. Vous le savez, à tout de suite sur RTL pour la suite. Être malade, ça tombe toujours mal, surtout lorsqu'on n'a pas trop les moyens. Heureusement, quand votre budget est en mauvaise santé, l'ACS peut vous aider. Avec l'ACS, vous n'avez pas d'avance de frais chez les professionnels de santé, ni de dépassement d'honoraires chez le médecin. Vous êtes aussi aidé pour payer une mutuelle ou une complémentaire santé, et vous bénéficiez de tarifs avantageux pour l'électricité et le gaz. Comme ça, vous êtes soigné, et votre budget aussi va mieux. Renseignez-vous sur l'ACS au 0800 971 391, service et appel gratuit, ou sur amélie.fr. L'assurance maladie. Le lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2000 euros d'achat, 200 euros vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre à son grand dam dut consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Store! Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin. Jacques loue un studio tout aménagé, quartier agréable. Il est au premier rang, il assiste à une pièce de théâtre. Jordan cherche à louer un studio tout aménagé, quartier agréable. Il est en stage, il fait des photocopies. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Brico Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Hiver chaud. Hémisphère sud. Radiateur fonte. Chauffage performant. Inertie sèche. Prix doux.

en août, ils ne vous ont pas payé en septembre. Donc je suppose que déjà fin août, vous avez été les voir en leur disant « Écoutez les gars, si vous pouviez me donner un petit peu d'argent pour mon travail, ça m'arrangerait. » Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Alors, je leur ai envoyé un petit courrier recommandé avec l'accusé de réception le 9 septembre. Oui. Sans aucune réponse. Mais avant le courrier recommandé, vous avez bien été voir le patron qui peut vous donner une explication. Le patron, il est à. La société se trouve à Périgueux. D'accord. Et moi, je suis basé sur un zone voir le patron. Moi, je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Bon, donc lettre recommandé, est-ce qu'il vous a répondu ? Alors, pas du tout. Donc, j'ai pris un avocat. Qui lui envoyait également une lettre recommandée il y a à peu près une quinzaine de jours, oui. Et toujours pas de réponse. Est-ce que la société continue malgré tout ? Tout à fait, oui. Donc vous avez des collègues dans d'autres villes, tout va bien, tout marche ? Bah, tout, pour l'instant, tout marche sans aucun problème. Ouais, c'est fou quand même de donner aucune nouvelle, Maître Fénonard. J'ai aucune nouvelle, je l'ai de temps en temps, bah oui, tu comprends, et puis voilà quoi. Ouais, voilà. Oui. Je vous ai demandé si vous l'aviez eu, qu'est-ce qu'il vous a dit exactement alors ? Ah bah, il m'a dit qu'il pouvait pas me payer. Ah, bah, d'accord, loin, ça. Ah, oui, voilà. Tout à fait. Mais il vous a pas dit on va fermer, on va déposer le bilan, il n'y a plus d'argent dans les caisses, ou il vous dit patiente un peu, c'est une petite mauvaise passe ? Ah bah il a fait un courrier à tous les employés comme quoi il avait une passe difficile. Ouais. Ça c'était le 20 septembre et depuis j'ai pas de nouvelles quoi. Allez, on va l'appeler dans une seconde, on prépare le numéro Hervé. Maître Fellono. Bon écoutez, là à une alerte, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Mais décidément vous avez pas de chance, Maître Fellono. Non mais vraiment je suis impoli, désolé, c'est pour le cas de Charlène, Julien. Nous avons le PDG de Normandie Construction nous. Monsieur le PDG de Normandie Construction, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que ça vous ennuie si on se parle à 10h03 ou 4 ? Pas du tout. Ah, vous êtes très gentil, parce que comme ça, sinon, je vais être obligé là, de raccourcir l'entretien, c'est idiot. Donc, je vous donne rendez-vous, Sarah récupère l'appel. Ça, c'est sur le cas numéro 1. Sur le cas numéro 2, donc, nous allons appeler l'employeur de Dominique qui ne l'a pas payé depuis août, mais vous vouliez dire... Mais je trouve que la situation n'est pas tenable pour les salariés. Certes, on peut avoir des aides auprès de la mairie, auprès du CCAS, mais ce qu'il faut, c'est saisir en urgence le Conseil des Prud'hommes en référé pour faire valoir sa créance et peut-être le tribunal de commerce, si jamais la société s'arrête, vous avez une assurance qui paiera les salaires. Ok, on va se retrouver pour essayer de régler tout ça sur l'antenne d'RTL. Je vous rappelle qu'il y a aussi un séjour à Disney à gagner, mesdames et messieurs, à Disney. Et je peux vous dire, parce que moi j'adore ce parc, que c'est la magie absolue, que vous ayez 50, 40, 30, 20 ou 10 ans, c'est le rêve. Et vous allez aller à l'hôtel, 4 personnes, vous entrerez dans les deux parcs. Donc vous allez vivre vraiment le bonheur. 3210 touche numéro 2. Puis vous refaites numéro 2 pour donner la bonne réponse. Ou SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Et vous verrez, mini. Alors, je peux vous le dire aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'il y a, des êtres humains dans les personnages. Et Maître Fellono arrondit un peu ses fins de mois. Mais oui, elle fait mini le week-end. Oui. Hervé Pouchol, là, il ne m'entend pas, mais lui, il a voulu. Mais on n'a pas toujours trouvé le déguisement qu'il fallait pour arriver à le faire rentrer dedans. Mais on essaie comme ça de vous amuser comme on peut. On va se retrouver pour les infos qui vont démarrer en retard, je le dis très honnêtement, avec 2 minutes de retard, ayant démarré avec 3 de retard, j'ai réussi à rattraper 1 minute, mais il y en a 2 où j'ai pas pu parce que sinon à un moment donné je ne fais plus l'émission. A tout de suite sur RTL. On en parle. Les pouvoirs publics ont développé un réseau de conseillers rénovation infoservice partout en France. On en parle avec Karine Nicolas, conseillère rénovation infoservice en Ile-de-France. Bonjour Karine. Bonjour. Alors c'est quoi exactement ce service ? En fait, c'est un service gratuit, neutre et indépendant qui permet aux particuliers de faire le point avec des experts sur les travaux de rénovation énergétique à engager, sur les professionnels qualifiés, le choix des équipements et les aides financières. Des travaux qui sont généralement assez coûteux. Oui, et ça permet d'améliorer son confort, de faire baisser la facture d'énergie ou simplement d'augmenter la valeur de son bien. Et concrètement, qu'apporte le conseiller ? Alors, une aide technique pour bien choisir son équipement, juridique pour savoir qui paye les travaux, le locataire ou le propriétaire, et puis financière, puisque l'État et les collectivités proposent des aides pour les particuliers. Il suffit d'aller directement sur notre site internet. Bah, c'est noté. Merci Karine Nicolas. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou au 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Merci plus. C'est moins. Moins de fatigue. Moins d'impôts. Merci plus. C'est plus. Plus de temps. Plus de confort. Avec Merci plus, découvrez le plaisir de rentrer chez vous. Le ménage fait. Votre intérieur rangé. Retrouvez l'agence Merci plus proche de chez vous sur merciplus.fr. Merci plus. Les experts du ménage à domicile. Nous avons demandé à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français, comment lutter contre les rides. À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette efficacité au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Eh bien, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par deux en deux mois. Time Filler des laboratoires Filorga est devenu en juin le numéro 1 de l'anti-ride en pharmacie et chez Marionneau. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous aurons donc dans une seconde le constructeur qui va essayer de nous aider, car il n'y est certainement pour rien dans le cas de Charlène qui a les os usés qui remontent. Appeler l'employeur qui doit 2 mois de salaire, je vous le rappelle, à l'auditeur d'RTL. C'est la journée porte ouverte, vous êtes sur la radio qui vous aide chaque matin. Merci de nous être fidèles. What's the sense in sharing this one and only life? Eh bien, il est 10h02. Sophie Orange pour l'information. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le défenseur des droits s'inquiète du démantèlement de la jungle de Calais. Les dispositifs d'accueil des mineurs non accompagnés ne sont toujours pas opérationnels, selon Jacques Toubon, qui a écrit au ministère de l'Intérieur. Le démantèlement pourrait intervenir dans les tout prochains jours. 4 CRS ont été blessés hier à Bastia lors d'une manifestation nationaliste. Plusieurs dizaines de jeunes dénonçaient les réquisitions du ministère public contre 3 de leurs camarades jugés à Paris. Des violences condamnées avec la plus grande fermeté par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Jacqueline Sauvage a pu bénéficier d'une permission de sortie, 5 jours passés en famille, selon son avocate. Condamné à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari, il connaîtra la décision en appel sur son maintien en détention à la fin du mois. L'accord de Paris sur le climat est validé 10 mois après la COP21. Il entrera en vigueur dans 4 semaines maintenant. Nathalie Kosciusko-Morizet est favorable à l'impôt pour tous dès le 1er euro gagné. La candidate à la primaire de la droite et du centre était l'invitée d'Elisabeth Martichoux ce matin sur RTL. NKM défend également l'idée d'un revenu de base. Karim Benzema est sélectionnable en équipe de France. On ne peut pas punir les gens éternellement. Petite phrase du président de la Fédération française de football ce matin dans le Figaro. Benzema écarté de l'Euro 2016 à cause de l'affaire de la sextape. La justice doit se prononcer le 14 octobre prochain sur la régularité de la procédure. Y aura-t-il un mondial à 48 équipes à partir de 2026 ? Le président de la FIFA y est favorable. L'objectif est d'ouvrir la compétition à plus de pays à une seule condition, que la compétition soit organisée dans plusieurs zones. Le sujet sera abordé la semaine prochaine, les 13 et 14 octobre lors du Conseil de la Fédération internationale de football. La Bourse de Paris ouvre en hausse ce matin, plus 0,24%. L'indice CAC 40 prend 10 points à 4500 points. Les courses ont lieu aujourd'hui à Fontainebleau. Bernard Glass vous conseille de jouer le 7, l'As, le 5, le 9, le 13, le 2, le 11 et le 12. 7, As, 5, 9, 13, 2, 11 et 12. Dernière minute, l'As. La météo de ce jeudi 6 octobre. Ce matin, le temps sera plutôt maussade dans le sud, des nuages sur l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. Partout ailleurs, sur les 2/3 nord du pays, donc du soleil ce matin. Et à signaler toujours un petit vent d'est sur la moitié nord du pays. Les températures, vous aurez 14 à Lille, 15 à Metz et Nancy. Il fera 16 à Reims et Rouen, 17 à Paris, 18 à Lyon et Toulouse, 19 à La Rochelle, 20 à Bordeaux, 21 à Marseille et le maximum pour la Corse, 23 à Bastia. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovantes, performantes et durables. Votre projet sur mesure commence sur viessmann.fr. Il est 10h05 sur RTL. Vite, vite, on retrouve Julien Courbet. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour d'autres infos. Je rappelle que c'est la journée porte ouverte chaque jeudi. Les appels se font dès 9h du matin. Celui qui appelle, pim, arrive directement. Nous travaillons sans filet sur l'antenne et nous avons démarré avec Charlène, qui est peut-être encore en ligne avec nous sur RTL dans le 9h30-11h. Charlène, m'entendez-vous ? Oui. Charlène, on rappelle que vous avez fait construire votre maison et maintenant toutes les eaux usées remontent. Vous ne pouvez plus utiliser vos toilettes puisqu'il y a eu un mauvais branchement. Il y a un constructeur, mais il y a surtout un terrassier. Vous nous avez bien expliqué que c'est 2 factures différentes. Le terrassier raccrochonné fait la politique de l'autruche, c'est Yann Le Gouas. Le terrassier qui se trouve 3 rue de la Vallée au maître à Brestot, 27 350. Et il y a le constructeur qu'on a en ligne. Monsieur le constructeur, bonjour Hervé. Oui, Allô. C'est oui. M. Broca. D'accord, M. Broca, bonjour. Alors, M. Broca, on a bien compris qu'il y a deux contrats différents, celui de constructeur, celui de terrassier. Si je vous embête ce matin, c'est uniquement pour essayer de sortir cette dame de cette situation. Il n'est pas question de dire où sont les responsabilités, mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Allô ? J'ai pas entendu, excusez-moi. Pour vous, comment on en est arrivé dans cette situation de branchement des eaux usées qui remontent ? Vous parlez à moi, là, au contraire ? Ah ben vous êtes le seul que j'ai en ligne. Oui oui, c'est à vous que je parle. Oui. Oui ben moi j'ai en fait je suis constructeur. Donc on a exécuté le pavillon hors d'eau hors d'air, c'est-à-dire que nous notre prestation s'est arrêtée que à la pose des menuiseries au ravalement du pavillon. D'accord. Tout ce qui était branchement extérieur, ça faisait pas partie de notre contrat. Effectivement, on donne un plan d'habitation qui passe sous le sanitaire. Et qui sort à l'extérieur du pavillon, et après c'est le terrassier qui vient faire les raccordements, que ça soit électricité, EDF ou des eaux usées ou de l'eau. Compris. Donc nous on fournit un plan au client. Alors, justement, je me permets de vous interrompre, Charlène. Qu'est-ce que dit ce monsieur Yann Le Gouas ? Est-ce qu'il dit le plan était pas le bon, ou est-ce qu'il dit c'est moi qui me suis planté, qui ai pas respecté le plan ? Mais non, en fait, c'est ça, c'est que le constructeur, lui a donné le plan. Seulement, c'était bien écrit sur le document non contractuel, comme quoi il pouvait y avoir des modifs quand le maçon, etc., allait faire les raccordements, ce qui a été le cas. Mais du coup, le terrassier, lui, s'est fié au plan, n'a pas du tout vérifié où était l'évacuation, etc. Alors, on va demander au constructeur, qu'est-ce que vous appelez Courbet, je vais vous expliquer simple. Effectivement, c'est marqué en gros sur le dossier que le plan, en fait, il y a des impératifs sous le vide sanitaire, technique, et puis le maçon peut modifier une sortie parce qu'il pouvait, il est en dessous et c'était pas possible. Ouais. Et donc, c'est bien écrit, plan non contractuel peut être modifié par le maçon suivant impératif technique. Je rajoute en plus, parce que quand vous êtes terrassé, c'est la première démarche, lors de l'exécution de vos raccordements des eaux usées à l'intérieur du pavillon, ne pas oublier, écrit en gros, afin de vérifier si toutes les évacuations EU, ça veut dire eaux usées, sont raccordées, de faire couler de l'eau dans les tuyaux positionnés à l'intérieur du pavillon. Donc ça, c'est le premier boulot. Ça, j'avais écrit ça, parce que la plupart de mes clients font eux-mêmes les raccordements et qu'il n'y ait pas de problème sur un mauvais branchement, c'est écrit en gros. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une ventilation de fosse qui est obligatoire en sortie de la fosse, et nous on la fait passer à l'intérieur du pavillon pour pas que ça se voit en pignon, pour pas que ça soit pas très esthétique. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mal branché cette ventilation. Et donc en fait, tous les tuyaux sont chargés. Et quand vous êtes terrassé, c'est la première démarche. Il suffit de faire couler de l'eau dans les tuyaux pour que vous raccordez l'intérieur, et vous regardez où ça sort. Donc si monsieur. C'est ça. J'ai bien compris. Alors, nous, on va essayer d'avancer avec M. Le Gouas. Puis après, malheureusement, si on n'arrive pas à le joindre, Charlène devra la signer, peut-être à signer tout le monde. Et puis tout le monde dira. Oh, pas à signer tout le monde, parce que c'est pas la peine d'engager beaucoup de frais. C'est effectivement faire un référé expertise pour qu'il soit convoqué par un homme de l'art qui va dire si c'est bien fait ou mal fait et combien ça coûte pour refaire. Voilà. Merci de nous avoir parlé, monsieur. On y voit plus clair. On vous souhaite une bonne journée. Charlène. Au revoir, monsieur. Au revoir et bien bonne journée. Alors, Charlène, nous allons, si vous le voulez bien, lancer toujours le Yann Le Gouasson. Monsieur Yann Le Gouas, vous n'êtes pas obligé de me parler, mais parlez à Charlène. Il y aurait eu un mauvais branchement. Vous qui êtes 3 rue de la Vallée, à Brestot de la Vallée au Maître, elle a des eaux usées qui sortent du robinet. Il y a eu un mauvais branchement, donc au moins parlons-nous, faites une réunion, mais trouvons quelque chose. La politique de l'autruche, elle peut pas la faire, parce que quand elle met la tête dans le trou, ça sent pas bon. Donc soyez sympa, rappelez-nous, monsieur Le Gouas. On compte sur vous. Charlène, je vous tiens au courant. Cas suivant, pendant que vous nous appelez, Dominique, il a besoin de sous. Il y a juste un petit problème, ça fait 2 mois qu'on lui paie pas son salaire. Et puis, je voudrais juste vous dire que le 10 octobre, dans Ça peut vous arriver, le 9h30, 11h, il y a une spéciale animaux avec nos amis de 30 millions d'amis. Tous vos problèmes liés à l'achat d'animaux, etc., c'est tout de suite au 3210 ou sur Facebook, la page Ça peut vous arriver. Écoutez, il y a une adresse mail, mais elle est tellement compliqué que aller sur Facebook, la page Ça peut vous arriver. C'est ces adresses là. Des fois, j'entends des pubs pour nous joindre. cpva.rtl/radio.lematin/pas le week-end/le bas. Oh, si. Non, mais ça, on se croirait à l'administration fiscale. Oh, mais c'est exactement ça. Oui. Non, je vous la donne. Ça leur fait plaisir. Ils l'ont créé. Donc, mais oui. cpva.animaux@ gmail.com. Oh, voilà. Ça, c'est facile. C'est facile. C'est pas facile du tout. Allez, RTL avec vous. C'est la journée porte ouverte, ladies and gentlemen. Avec le sourire, mais avec de l'action. Nous nous engageons. C'est le contrat qualité à régler tous vos problèmes si vous nous êtes fidèles entre 9h30 et 11h. Ah ah, oui, c'est RTL. Ouhou, à la radio. À tout de suite. En ce moment, avec les affaires Bricoman, le radiateur rayonnant NF 1000 watts de marque Airelec est à seulement 71,90€ au lieu de 79,90€. Offre valable du 7 au 18 octobre, existe en 1500 et 2000 watts. Plus d'infos sur bricoman.fr. Bénéficiez d'avantages exclusifs spécial pro avec la carte Premium Pro disponible en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. RTL présente Renaud Phoenix Tour. Renaud en tournée dans toute la France, en concert du 11 au 15 octobre et du 25 au 29 octobre au Zénith de Paris-la-Villette. Infos et réservations sur backline.fr, dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Renaud Phoenix Tour, depuis toujours avec RTL. Avec France 2. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle partage des photos de petits chatons trop mignons. Bon, il y a aussi les licornes. Mais ça ne l'empêche pas de penser à la planète et à son budget. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques. Comme le congélateur armoire Siemens, 195 litres A++ à 599€ au lieu de 749 et consommant jusqu'à 40% moins qu'un appareil de classe A. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. Prix valable jusqu'au 23 octobre sur modèle GS29 NOW30. 14€ d'éco-participation. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boot tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20€ de réduction tous les 50€ d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bon, allez, appelons tout de suite parce que je ne vais pas lui dire, on va encore attendre. C'est parti, Dominique, on appelle votre employeur pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il travaille pour une entreprise qui ne lui a pas payé août et septembre, donc il faut peut-être que l'entreprise... Sabrine, bonjour. Bonjour, Aquablue. Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame, est-ce qu'il est possible d'avoir le directeur général, Monsieur Serre ou Monsieur Meillan? Je vais essayer de vous le passer. C'est super sympa, merci beaucoup. Ne quittez pas. Bon, déjà, il y a un bel accueil. Hein. Oui. On ne sent pas dans la voix que l'entreprise est à l'agonie, parce que les entreprises qui sont sur le point de fermer, quand on tombe sur l'assistante, c'est... Bonjour. Non, là, au contraire, je sentais du sourire. Elle était très décontractée. Ah oui. Aquablue. Et la musique est sympa. Ouais, on a envie de se baigner. Oui. Chérie, tu peux gonfler, s'il te plaît, le matelas, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Il n'y a plus de pompe. Tu vas le faire à la bouche, chérie. Mais vas-y, mon amour. C'est déjà le troisième que tu gonfles. Je sais, ma chérie, mais nous sommes quatre, je te le rappelle. Quand tu auras fini, tu m'iras me chercher un Ricard, s'il te plaît. J'aimerais bien en boire un dans la piscine. Tu as pensé à la chlorée, chérie? Eh ben, va mettre du chlore, mon amour. Vous savez que c'est un centre de lavage auto? Ah, pardon, je crois que c'était les piscines. Ah oui, c'est vrai. Ah, mince, j'étais parti sur les piscines. Oh, bah, écoutez, moi, je vais vous dire, alors, je comprends mieux maintenant, je me suis planté. Je voulais une piscine dans mon jardin, en fait, j'ai commandé un lavage auto. C'est pour ça que je voyais ma femme s'arroser avec le jet comme ça. Je lui dis, mais pourquoi tu te mets du Karcher sur les fesses, chérie? Elle me dit, c'est ce que tu as commandé, crétin. Ah non, on est dans du lavage auto automatique. Ah oui, comme l'éléphant bleu, c'est le concurrent. Absolument. Là, ça se fait beaucoup aux États-Unis avec des jeunes filles en petite tenue. C'est vrai. Et Dominique, ça se vend bien? Combien ça vaut d'ailleurs un centre comme ça complet? Deux voitures, faut compter 80 000€. 80 000€ pour monter un sort de voiture, d'accord. Ouais. Et est-ce que c'est vrai, tant que je vous tiens, je suis sûr que ça intéresse tout le monde, lorsqu'on dit, parce que tout le monde me dit que les rouleaux, ça abîme les voitures, ça les raye, alors que le Karcher, ça les abîme pas? Ah bah le rouleau, moi j'en vends pas. Hein. D'accord. Mais pas le rouleau, moi je vends juste les hautes pressions. D'accord, mais c'est vrai que les rouleaux, ça raye ou pas? Non, pas du tout, pas avec les nouvelles technologies de brosse. Bien, merci pour ce tuyau. Où en est-on avec Aquablue? Une petite alerte, Hervé Pouchol. Je vous passe le gérant. Monsieur le gérant d'Aquablue, bonjour. Oui, bonjour. Je suis désolé de vous déranger, monsieur. C'est Julien Courbet, non. Nous sommes en direct sur RTL. Je suis avec Dominique Maillère. Dominique, vous pouvez expliquer à ce monsieur pourquoi vous êtes sur l'antenne d'RTL, s'il vous plaît ? C'est Olivier, non ? Oui, bien sûr. Ouais, salut Olivier, c'est Dominique. Oui, tu te demandes pourquoi je t'appelle ? Oui, dis-moi. Pour les salaires. Ça fait 2 mois que je suis pas payé, mes frais sont pas payés. Voilà. C'est qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai 22 euros sur mon compte. Et voilà. Dominique, je te l'ai dit qu'on encaissait un chèque cette semaine et. Non, ça, c'est... Et que ça... Monsieur Serre, c'est faux. C'est faux, archi faux. Mais monsieur, simplement, monsieur, juste, je comprends. Oui, mettez-vous à sa place. Lui aussi, il est surpris, vous savez, quand il va falloir aller au supermarché acheter de quoi nourrir sa famille, il va être surpris aussi. La question, elle n'est pas là, monsieur, on n'est pas là pour vous embêter, mais ce qu'il ne comprend pas, c'est où il met les pieds. Est-ce qu'à un moment donné, vous lui dites, voilà, on n'a plus d'argent, on ne peut plus payer, on va déposer le bilan, on est en train de faire ce qu'il faut pour que les salaires soient payés, parce que là, au bout de 2 mois, il attend une rentrée hypothétique d'argent et il doit continuer à travailler, lui, pendant ce temps-là ? Oui, bon, enfin, écoutez, je ne vais pas parler de ça à la radio. Mais parlez de lui à lui. S'il en parle à la radio, c'est parce que vous ne lui avez pas parlé à lui, monsieur. Dites-lui hors antenne, si vous voulez, je vous le passe hors antenne et expliquez-lui quand est-ce qu'il sera payé, qu'il sache où y mettre les pieds. Je lui ai déjà expliqué, j'ai déjà fait des mails là-dessus. Donc voilà. Mais monsieur, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Ouais. Vous savez, malheureusement, je suis Nathalie Fellono, je suis l'avocat de l'émission. Vous n'êtes pas le seul patron qui a des difficultés ces temps-ci. Ouais, et on sait très bien que c'est pas par mauvaise foi. La seule chose, c'est que, en principe, quand vous attendez une rentrée réelle d'argent, votre banquier vous fait une avance, au moins pour que vous puissiez payer un acompte sur les salaires. 22 euros, lui reste sur son compte en banque. Ça ne me dérange pas d'en parler. On a eu également des problèmes sur des encours du court terme, où on a été planté par une banque. Je suis en train effectivement de trouver d'autres solutions. Enfin, je suis surpris de cette démarche de Dominique. Mais monsieur, simplement, je comprends que vous soyez surpris par la démarche. Mettez-vous maintenant à imaginer que tout à l'heure, vous n'ayez que 22 euros sur votre compte et une famille à nourrir, une maison à rembourser. Enfin, je ne sais pas. Il doit être juste paniqué. Il fait quoi ? Est-ce qu'il doit aller chercher du boulot ailleurs ? Est-ce qu'il démissionne ? Est-ce qu'il est viré ? Est-ce que la boîte ferme ? C'est ça qu'il veut savoir. Ah non, déjà la boîte ferme pas, il démissionne, s'il veut démissionner, il démissionnera, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire là aujourd'hui ? Parce que vous pouvez à 10h18 dire exactement ce qui va se passer pour lui. Ce qui va se passer, on attend d'encaisser depuis mardi un chèque, et il va être payé du mois dernier. Donc vous êtes sûr à 100% que vous aurez le chèque quand alors ? Oui. Quand vous allez l'avoir le chèque, monsieur, sans indiscrétion ? C'est exactement ce que je lui avais dit en début de semaine. Et... Non, mais c'est quand ? Dites-le-moi. Non. Quand est-ce qu'il va l'avoir ? On doit le recevoir au courrier à midi. À midi ? Bon, alors, demain matin, est-ce que vous me permettez ? Est-ce que vous pouvez lui donner un coup de fil demain matin ? Je le reprends sur l'antenne et vous lui dites, ça y est, il y a le chèque, tu l'auras dans la journée. Vous savez, je l'ai appelé à 8h30 ce matin pour discuter pour autre chose avec lui. Bon, alors on fait ça. Dominique, demain matin, vous m'appelez sur l'antenne d'RTL et vous me dites si la société a reçu l'argent et si vous avez eu votre virement. Et puis, on va faire ça tous les jours et puis comme ça, vous serez rassuré. Ok, c'est sympa. Demain matin, ok Dominique ? Ouais, parce qu'on me promet ça depuis... Non, mais Dominique, à un moment donné, voilà, moi je vais pas mettre un pistolet sur la tempe de ce monsieur. Si demain ce monsieur n'a pas le chèque, ça veut dire qu'il l'a pas eu et que dans ces cas-là, il devra... Non, Dominique, je pense que j'ai toujours été honnête. Non, mais monsieur, personne n'a dit que vous étiez malhonnête. Ça fait 2 mois qu'il travaille qu'il est pas payé. Allez, on se retrouve. Hervé, vous récupérez l'appel une seconde. On se retrouve sur RTL dans une seconde. RTL. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, 15% de remise sur les radiateurs Equation à partir de 3 radiateurs achetés parmi les gammes Virtuoso, Alidea, Lirao et Esus. Garantie des pièces électroniques pendant 3 ans, incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Hors promotion et commande en cours, panachage possible. Découvrons Samy Jean-Fédéton qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça, le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Qu'est-ce que le bonheur? L'univers a-t-il un commencement? Juillet ou août? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 euros. Avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Et pendant le mondial de l'automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Pour vous, Conforama bat tous les records. Jusqu'au 25 octobre, profitez de prix imbattables comme le lave-linge phare 6 kg à 199,99 euros seulement. Alors, qui fait mieux que les records à battre? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Laissons Hervé Pouchol continuer à discuter avec Dominique et le patron. On essaie d'apaiser les choses et il va reprendre dans une seconde l'antenne pour nous dire où on en est. Sylvie, elle va arriver dans une seconde. Bonjour Sylvie. Vous êtes sur l'antenne d'RTL. Bonjour Sylvie, vous nous appelez du Nord dans cette consultation instantanée. Car on va juste expliquer en deux mots de quoi nous allons parler dans quelques instants. À Noël dernier, votre mari vous a demandé en mariage, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et vous nous appelez parce que vous ne savez pas comment lui dire non. Et vous voulez que je le fasse pour vous, c'est ça? Non, c'est pas, c'est pas ça. Alors, non, juste sans rentrer dans les détails, quel est le problème? Alors, le problème, c'est que bien sûr, pour me demander en mariage, il m'a offert une bague. Oui. Voilà. Donc, cette bague, c'était pas un mariage. Je suis retournée à la bijouterie. Oui. On m'a donc proposé de la faire ma taille. Donc, pas de problème. Je l'ai récupérée au mois de. Juste, dites-moi en une phrase, parce qu'on va pas le faire maintenant. On le fait dans deux minutes. Juste, c'est quoi le problème? C'est que la bijouterie ne veut pas faire quoi? Le problème, c'est que cette bague était sortie avec des petits zirconiums. Oui. En 4-5 jours, elle a commencé à percer zirconium. Je suis retournée à la bijouterie. On m'a dit que la garantie ne s'appliquait pas pour ce genre de problème. D'accord. Et que pour m'arranger, on allait me faire une fleur et on allait me racheter la bague. 85% de sa valeur. Avec le doigt qui va avec. Alors Sylvie, nous allons trouver une autre ligne. Parce que là, on ne vous entend pas du tout. Vous avez peut-être un haut-parleur, Sylvie? Non, pas du tout. Alors, il faut pas qu'on vous rappelle qu'on trouve un endroit qui capte mieux et on va s'occuper de c'est ce problème de bague parce que nous, les problèmes de mariage, c'est une priorité, Maître Fellono. Oui. Pas de mariage raté. D'ailleurs, 32-10, tout de suite, vous avez eu justement un problème lors d'un mariage, de robe, de traiteur, de tout ce que vous voulez ou de fête ratée à cause d'un intervenant. Eh bien, c'est tout de suite priorité au 32-10 ou sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. Et pendant ce temps-là, vous le savez, eh bien, nous continuons notre consultation instantanée. C'est une nouveauté. Il s'appelle Tom O'Dell, vous le connaissez. Here I am. Oh là là, il va falloir que je donne le nom de l'album. Bon, là, je vais me lancer, mais... Wrong Crowd. Wow. I thought I was over you. I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and night I'd walk on by. But here I prisoner, and I've broken my chains, that I could be anyone, I'd run a thousand miles away, and I imagined America, somewhere far, some place where the memories s'appelle Tom Odell, il est sur RTL avec Here I Am. Bientôt le Money Time, il est grand temps de faire un point info sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré avec notre auditrice Charlène qui nous dit « Catastrophe, ma maison neuve que j'ai fait construire, les eaux usées remontent partout. Nous avons eu le constructeur qui nous a dit « Je pense que le terrassier a mal branché. Nous essayons d'avoir le terrassier, la SARL, le GOAS, L-E-G-O-U-A-S, qui se trouve au Bresto. Il nous a raccroché au nez. Nous continuons de l'interpeller pour qu'il appelle directement Charlène et qu'au moins elle se mette autour d'une table pour trouver une solution. » Le deuxième cas, c'est un cas de salaire impayé. Dominique nous appelle, nous dit « Je travaille pour une boîte et ça fait 2 mois que je n'ai pas été payé. » Alors, sans nous dire exactement, Hervé Pouchol, pouvez-vous en une seconde me dire où on en est ? Hervé, s'il vous plaît, où en êtes-vous de cette conversation ? J'étais en train de discuter avec M. Serre, qui est le directeur général d'Aqua Blue, qui m'explique qu'il a des difficultés, mais qu'il doit recevoir un chèque qui a été envoyé lundi, bon. Un chèque de montant de 100 000 euros, okay. Pour être très précis, et que Dominique va être réglé immédiatement. J'ai la parole on de M. Serre au moment où il va recevoir ce chèque. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur les mois de retard. Dominique nous dit qu'il y a le mois d'août et le mois de septembre. M. Serre me dit qu'il n'y a que le mois de septembre. Bah, donc, attendez, moi... alors, juste s'ils m'écoutent tous les deux, là, je dois marquer une pause, mais c'est très facile de vérifier si le mois d'août a été payé ou pas payé. Donc, je ne vois pas comment... Salaire, il y a une fiche de salaire. Est-ce, qu'il y a, est-ce que vous avez une fiche de paie, Dominique, du mois d'août ? J'ai reçu la fiche de paie, mais je n'ai pas eu le virement. Voilà, donc il faut simplement que ce monsieur... il y a peut-être en plus un problème avec la banque. Voilà, que de monsieur d'Aqua Blue nous montre qu'il a fait... C'est par virement que vous êtes payé ? Oui, tout à fait. Oui. Voilà, mais montrez si monsieur d'Aqua Blue va vous montrer la preuve du virement, ou s'il l'a ou s'il ne l'a pas. Plus les frais. Oui, bien sûr. Donc on va avoir tout ça, tout de suite sur RTL. MAF Assurance, bonjour. Oui, bonjour Miss MAF. Alors, moins cher. Mais encore. Encore moins cher, mon assurance auto. Impossible, bien sûr. Pas du tout. Si vous choisissez Clic MAF Auto sur MAF.fr pour votre assurance auto, c'est 15% moins cher. Clic MAF Auto et claque, moins 15%. Avec Clic MAF Auto, oui. Oh, Miss MAF, vous me resterez toujours très très cher. Efficace et pas cher, c'est la MAF.fr. C'est la MAF. 15% et l'écart moyen de tarif entre le contrat Clic MAF Auto et le contrat Auto MAF. Contrat consultable sur MAF.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, encore 3 semaines! Jusqu'à ce soir, la côte de bœuf à griller Origine France est à 9,90€ le kilo. Oui, 9,90€ le kilo et Origine France! Mais c'est seulement jusqu'à ce soir! Dépêchez-vous! C'est ça l'anniversaire et c'est seulement chez Intermarché! Intermarché, tous unis contre la vie chère! Viande bovine côte 3 étoiles à griller. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Mégane, à l'aise dans tous les styles de jeu grâce au Multisense. Mégane à partir de 229€ par mois avec EasyPack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pack tout inclus pour Mégane Life Energy TCE 100. LLD 49 mois, 40 000 km maximum, si acceptation par Diac SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Nous sommes les prix jamais vus de chez Castorama. Moi et mes copains, on arrive en force dans les rayons. Pas vrai les copains ? Oui ! Et oui, pendant 15 jours seulement, c'est la chasse aux prix chez Castorama. Des bonnes affaires, des quantités limitées, des prix barrés, des centaines d'offres à saisir. Vite, foncez chez Castorama pour profiter de nos prix jamais vus. C'est seulement jusqu'au 17 octobre et vous savez ce qu'on dit. Premier arrivé, premier servi. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste et horaires des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une petite parenthèse, hein, vous savez que vous allez pouvoir partir. Ça, c'est le cadeau de Tonton Georges. Tonton Georges vous envoie. C'est lui qui amène des cadeaux pour vous récompenser parce que vous nous faites l'amitié de nous écouter. Ça nous touche énormément. Vous faites de cette émission l'émission la plus écoutée de France entre 9h30 et 11h. Donc, vous partez à 4 chez Disney et là-bas, chez Mickey, vous allez dormir à l'hôtel. Entrée illimitée pour les deux parcs pendant 2 jours et vous allez voir, vous allez vivre une aventure extraordinaire. Je crois que j'ai eu la chance dans ma vie d'y aller peut-être 3 fois, et les 3 fois, c'est un émerveillement. Donc merci Disney, merci Tonton Georges, 3210 touche numéro 2 et encore numéro 2, SMS RTL au 74 900. Petite parenthèse sur le cas maintenant des salaires non payés. Hervé Pouchol, vous faites le point. Alors on va faire le point très très rapidement. On va rappeler Monsieur Serre qui s'est engagé, dès qu'il reçoit le chèque normalement aujourd'hui, à régler. On va pas leur on va lui une laisser fois. Un peu de temps. Non, mais on va surtout pas leur rappeler. Il a dit, moi je ne suis pas là pour forcer les gens et pour leur donner des délais. Ce monsieur me dit sur l'antenne d'RTL, demain je reçois un chèque et j'envoie immédiatement l'argent à votre auditeur. Ça me suffit, dans un premier temps, je lui fais confiance. Et puis si on est quoi, jeudi, demain, Dominique va nous dire, s'il a eu son patron qui lui a dit ça y est, j'ai le chèque, lundi, Sarah me fait un point. Si lundi, il n'y a rien, bah, on rappellera la société en lui disant, monsieur, vous nous avez pipoté. Voilà. Mais là, je lui fais confiance. Nous avons convenu de se rappeler lundi. Parfait. Lundi matin. Dominique, on fait ça, on attend lundi matin, ok ? Ok, je vous remercie beaucoup. Et lundi, d'ailleurs, peut-être qu'une petite attestation de votre banque, si jamais ce monsieur dit que vous avez touché le mois d'août, une petite attestation de la banque qui dit de votre conseiller, il n'y a eu aucun virement au mois d'août, histoire de lui montrer qu'il n'a pas envoyé les sous. Ouais, bah, je peux vous envoyer les relevés. Hein. Bah oui, voilà. Donc, mais je pense qu'il va vérifier. Il faut quand même que ce monsieur, d'après vous, s'il paie par virement, il va vite savoir s'il a payé août ou pas. Hein. Ouais, ouais, bah, tout à fait. Allez, ça marche. Ouais. Lundi matin, Dominique, vous êtes sur l'antenne, le rendez-vous est pris. Ça, c'est fait. Mardi, deuxième annonce. Je n'ai que des annonces à faire. Mardi, les 50 ans d'RTL. Avec Stéphane Bern, nous allons animer pendant 3 heures. Les 50 ans d'RTL, il n'y aura pas d'émission de 9h30 à midi. Et vous allez avoir toutes les grandes voix qui sont venues. Et du Michel Drucker par-ci, et du Fabrice par-là, et du Nagui par-ici. Enfin bref, on va réécouter des archives. D'ailleurs, il recherche quelqu'un. Figurez-vous qu'il y a une petite fille, il y a très très très très très longtemps, qui a gagné la valise. Elle était seule chez elle, elle avait 7 ans et demi. Donc, ils l'ont appelée. Oui, bonjour. Ils se sont dit, bon, ben c'est raté pour la valise, tu dois pas la connaître, ma petite. Si, elle faut 10 000 et quelques. Et pim, la petite l'a gagnée, les parents étaient pas là. Et on la recherche. Elle s'appelait, elle s'appelle peut-être toujours, Sandrine Minou. Et elle appelait... Elle était à la chapelle sur Erdre, en Loire-Atlantique. Si elle peut nous rappeler au 3210 ou sur... elle va sur la boîte mail 50ans@rtl.fr. On aimerait bien la retrouver, Sandrine Minou. Nous allons parler de la bague, si vous le voulez bien. Sylvie. Ah, enfin un truc. Ah oui. Donc, plaisant. Sylvie, dites-moi exactement ce que vous attendez de notre part, puisque nous allons appeler la bijouterie, suite à cette bague que votre mari vous a offert lorsqu'il vous a demandé en mariage à Noël. Qu'attendez-vous de nous ? Voilà, ben moi ce que j'attends c'est le remboursement de la bague puisqu'on me propose de me la racheter une deuxième fois à 85% de sa valeur, mais en bon d'achat, c'est-à-dire d'en racheter encore une troisième. Ben voyons, d'accord. Alors que le problème... Je refuse effectivement, évidemment, puisque moi je demande le remboursement d'accord. aujourd'hui. Bien compris. Maître Felono, quel était le problème déjà de la bagouze ? Alors, elle perd ses brillants, ce qui est quand même très embêtant quand une bague perd ses pierres. Ça me fait vraiment un flashback de 16 ans parce que notre premier cas avec Julien, c'est à propos d'un bracelet en or, ah, figurez-vous, oui. qui n'arrêtait pas de rompre. On disait mais vous l'utilisez mal, comme si porter un bracelet au poignet était, il y avait, voilà, et je suppose que vous aussi, on vous dit, un défaut d'utilisation, très Allez, bien, bravo, on l'appelle. Défaut de conformité, ils doivent tout rembourser, pas du tout de 85%. Appel à la bijouterie, il est 11h25, vous êtes sur RTL, l'émission qui règle vos problèmes chaque matin entre 9h30 et 11h, et nous appelons un bijoutier qui se trouve dans le Nord. Allô ? Bonjour, quel est votre service ? Eh bien, bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, ce n'est pas une blague. Je suis avec Sylvie Bossire, qui a eu un petit problème avec une bague achetée par son mari, et elle a un petit problème de remboursement. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, peut-être le responsable du magasin ? Alors, c'est moi la responsable du magasin. Par contre, je ne suis malheureusement pas en mesure de vous répondre en ce moment. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, pourquoi pas, vous donner hors antenne le numéro de mon directeur de secteur oui. avec lequel je vous parfait. Invite à voir directement. Génial. C'est parfait, madame. Vous êtes très sympa. On note ça. Hervé, vous récupérez le nom du directeur de secteur. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Donc, on récupère. Sylvie, on va appeler si cette dame... J'aime autant qu'elle nous dise appeler ma direction, on va gagner du temps. J'ai juste une question à vous poser. Sylvie, s'est-il mis à genoux pour vous offrir la bague ? Absolument. Ah, il l'a fait vraiment Absolument. Comme dans les films. C'est Justement. Incroyable, ça. Et alors, c'était à quel endroit, Sylvie ? Ben, c'était à la maison. Ah, à la maison, d'accord. Pendant un match de foot, peut-être ? Non, pas attends, j'ai profité de la mi-temps. Viens donc, Sylvie, j'ai un truc à te dire. Non, c'était... Bon, alors, ça vous avait versé votre petite larme ? Absolument, bon. bien sûr. Et vous, Maître Felono, vous avez demandé comment ? Par lettre recommandée, avec accusé de réception. Oui, veux-tu être ma femme ? Non, moi c'était au restaurant. Ah, au moment de payer la note ? Non, pas du tout. Quitte à ce que ça me coûte une blinde, tiens, voilà une bague en plus. Et moi je me suis dit, il a mal digéré, ça va être une blague, j'ai dit non. Et en peu de temps d'ailleurs, hein, il a très vite demandé en mariage. Bon, ben, c'est parfait tout ça, on appelle le responsable de la bijouterie, 3210, à tout de suite sur RTL.

appelez-les comme vous voulez, REM, REM, hein, chacun sa façon de les appeler. Du moment que ça passe sur RTL, on vient de les écouter. Losing My Religion, 10h43. Hervé attend toujours d'avoir un responsable pour la bague. En fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, oui. Hervé, la bijouterie voudrait l'accord du fabricant. Oui, c'est surtout le directeur commercial qui a besoin de l'accord de son PDG. On va l'avoir, on va super, l'avoir. Super, mais ils sont bien, j'en suis sûr. Je voudrais qu'on revienne sur un cas qui était très compliqué. Est-ce que vous vous rappelez, c'était jeudi dernier, que Bruno était parti avec son épouse au Costa Rica en mars 2016. Le voyage avait été acheté dans une agence, ça s'était très bien passé d'ailleurs le voyage, mais c'est le retour qui avait été catastrophique puisqu'ils ont fait 3 continents pour rentrer. Ils avaient fait, si je me rappelle bien, Amérique du Sud, Espagne, pour aller en France, hein. Oui. Espagne, Afrique du Nord, oui. France. Et donc, il avait dit, il me faut une petite compensation parce qu'ils y avaient passé beaucoup de temps. Alors, c'était un vol, je crois, qui était organisé par qui ? C'était par Iberia, c'est ça ? Bernard Sabat est en ligne avec nous. Il est sympa, Bernard Sabat, parce qu'il est au fond de son lit, est malade, mais il va quand même nous aider. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, oui, c'était la compagnie Iberia qui, malheureusement, dans le cas de figure de Bruno, ne respecte pas ses engagements. Pour l'instant, ils considèrent qu'ils ont fait leur job, puisqu'ils ont logé et nourri les clients. Et ben, même s'ils ont mis 3 jours à revenir à l'endroit initial, et ben, il n'y a rien de grave. Voilà, je le résume aussi froidement. Mais, et franchement, voilà leur réponse. Je voudrais pas que les gens pensent que c'est de l'acharnement, mais on a beaucoup de cas Iberia, puis on n'a rien. En solution, il faut dire les choses comme elles sont, on n'a rien. Est-ce qu'il est en ligne avec nous, notre Bruno ? Oui, bonjour. Voilà, Bruno, franchement, on a encore un autre cas Iberia là, qui est en attente. Il n'y a personne, il n'y a pas de contact, c'est un peu la cata. Donc Bruno, là, très difficile de les avoir. Bernard, au fond de vos lits, là, qu'est-ce que vous pouvez dire à Bruno ? Alors, j'ai quand même une bonne nouvelle pour Bruno. Vous savez qu'il est passé par une agence de Nouvelle Frontière à Arras, qui fait partie du groupe TUI. On avait eu la semaine dernière le directeur commercial de TUI qui était en Sicile. Il a dit « je prends le dossier en main ». Voilà ce que j'ai comme solution. J'espère que ça pourra convenir à Bruno. J'ai pu obtenir un avoir de 2 x 600 €, soit 1 200 € disponible à l'agence pour Bruno, pour justement qu'il puisse se faire confiance de nouveau à cette agence. Et je remercie moi déjà le groupe TUI d'avoir fait ce geste. Et qui n'est pas obligé de le faire, hein, bien sûr. Exactement. Qui n'est pas obligé de le faire. Donc, Bruno, c'est tout ce qu'on a pu négocier pour vous. Est-ce que ça vous va ? Bah écoutez, c'est parfait. Ce vraiment, qui ne vous empêche pas, après, de faire une petite procédure contre, oui, Iberia. Hein. Alors d'autant plus que ça a été vendu en France, donc on peut tout à fait trouver la compétence d'un tribunal français. Mais il y a, vous savez Julien, une procédure européenne des petits litiges transfrontaliers. On va sur le web et on fait portail e-justice européen. Et là, vous avez des formulaires. Et donc, c'est une procédure qui est simple. Et on assigne la boîte étrangère directement chez elle. Super. Et donc, ça va la dissuader, je pense, de continuer à laisser des clients en plan comme elle le fait. Bruno, elle n'est pas la seule. Attention. Est-ce que ça vous va comme solution ? Oui, moi, ça très bien. C'est parfait, mon Bruno. Je suis ravi. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Bravo, Bernard Sabat. Vous avez combien en température ? Là, je suis à 39,8. 39,8. À 40, j'explose. Ouais. Bon, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez une infirmière. J'espère que vous avez donné un contact. Est-ce que vous l'avez appelée ? Oui, j'ai appelé Juliana. Elle est adorable, très disponible. Elle parle pas bien français, mais elle soigne bien. Vous avez vu, hein ? Oui, c'est Hervé Pouchol qui me l'avait prêté déjà il y a 15 jours, donc ça va mieux. Bon, il avait un avoir. Elle lui devait un service. Merci beaucoup, Bernard. Je vous souhaite une bonne journée. Et merci, et Bruno. Merci au groupe TUI, hein. Bravo, TUI, de nous avoir réglé le problème. Vous êtes fantastique. Alors, par contre, moins fantastique, c'est donc Iberia qui aurait dû régler le problème, mais c'est TUI qui l'a fait à la place d'Iberia. Iberia en galère avec le cas de Thomas. Hein. Je vous rappelle, on a eu ça cette semaine. J'ai été victime de surbooking, mais comme il fallait absolument que je prenne un autre vol pour un rendez-vous professionnel extrêmement important, j'ai dû prendre un autre billet sur une autre compagnie. Depuis, la compagnie fautive refuse toute indemnisation. Alors, nous essayons d'avoir Iberia, pas de contact en France, galère de chez galère. Où en êtes-vous, Sarah ? Nulle part, Julien. Là, je suis très en colère contre Iberia. Bah, oui. S'ils nous écoutent, je les ai tweetés. Le problème, c'est que je pense qu'ils ne nous écoutent pas. Malheureusement, mais à un moment donné, il faut juste réagir. Ils avaient proposé un avoir à notre auditeur, un avoir avec Iberia. Autant vous dire qu'il n'a pas envie de leur faire à nouveau confiance. Donc, à un moment donné, il faut réagir, il faut nous répondre, ouais, il faut donner une position. Parce que là, franchement, on ne sait plus comment faire avec eux. Maître Felloneau, on va peut-être utiliser votre petit formulaire qui permet d'attaquer à l'étranger, mais c'est dommage. Hein. Mais là, on va pas les rappeler, ça ne sert à rien. On tombe sur une personne espagnole qui nous demande d'envoyer un mail. Alors du coup, bah, ça nous casse un peu notre rêve, parce que l'Espagne, on a tous rêvé de ça. Et puis... La Bianchina de Colapa. Les frais, on les rembourse pas. appel, on n'est jamais là. Viva l'Imperia. Voilà. Nouveau titre de la compilation qui sortira, je vous le rappelle, en fin d'été. Les appels en chanson. Bernard, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter une chose importante. En ce qui concerne Thomas, il faut qu'il fasse un courrier à la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est important, à Ville-Pyrénées, dans le 19e, pour expliquer son cas. Il aura une réponse sous 60 jours. Et la pression, évidemment, de la Direction Générale de l'Aviation Civile est très forte, parce que c'est un organisme gouvernemental. Donc, il va mettre la pression au niveau de la compagnie. Va lui expliquer tout ça en antenne. On continue avec Iberia, Thomas, mais voilà où nous en sommes. On ne lâche pas l'affaire. On va continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Nous allons également continuer le feuilleton. Laurence, c'était un cas d'urgence. Eh bien, ça a peut-être bougé ou pas, à savoir. On va voir ça dans une seconde. 3000 euros, c'est moins. 2000 euros, moins. Arrêtez de jouer. Pendant le mois cash-cash, votre cuisine est là à partir de 1690 euros. Cash. Cuisine est là. Des cuisines qui donnent envie. Prix pour le modèle Vega selon implantation type. Voir conditions en magasin. Shanghai, Anvers, Djibouti, Port Saïd, Matadi, Saint-Nazaire, New York. Avec Ouest-France, en compagnie de Tintin et du capitaine Haddock, embarquez à bord du nouvel hors-série à la découverte des grands ports du monde. À la découverte des grands ports du monde, un fabuleux voyage en 128 pages avec Ouest-France. En vente partout en France chez votre marchand de journaux. Éveille-toi à Paris, ouvre les yeux à la lumière de nos phares, admire le spectacle métallisé. Oui, Paris. Éveille-toi! Chérie, tu fais quoi, là? Oh, je me prépare pour le mondial de l'automobile. Je vis l'automobile, moi. Je me sens déjà à Paris, porte de Versailles. Allez, vivez l'automobile! Mondial de l'automobile, du 1er au 16 octobre, de 10h à 20h. Nocturne les jeudis et vendredis jusqu'à 22h. Plus d'informations sur mondialautomobile.com. RTL présente Laurent Gérard avec le grand orchestre de Frédéric Manoukian, en tournée dans toute la France à partir du 4 novembre. Mon tout petit frère Nicolas, c'est vrai qu'il est peut-être haut comme trois figues, mais je suis sûr qu'il va rebondir. La vie de ma mère, tu vas rebondir. Retrouvez toutes les dates sur www.coulier.com. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les Français m'aimaient encore. Serait-ce possible alors? Découvrons Marc Roy de l'Expression qui nous parle de sa victoire au nouveau boost ordre du Quintet Plus. Ben, moi j'ai eu les 5 dans l'ordre, hein. Comme quoi, cheval qui rit, à moitié dans ton pari. Ah oui, et cheval au balcon, Quintet à Pâques. C'est pas faux. Avec le boost ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Dernier appel pour Disney. Tu veux vivre un voyage magique, connaître le bonheur, rencontrer Minnie, Mickey, tous les personnages et des attractions extraordinaires. Allez me faire l'ascenseur, Maître Felloneau. L'ascenseur, avez-vous déjà eu l'occasion de le faire dans le deuxième parc? Non, j'ai trop peur. Ah, moi ça, non, ah, ça, bah, je ne peux pas. Mais c'est magnifique, non, ça, c'est magnifique. Ça, vous avez l'impression que votre corps est encore au quatrième étage alors qu'il est déjà au rez-de-chaussée. Tout remonte, c'est-à-dire que vous aurez les seins au septième et les pieds au premier. Mais oui, vous rendez compte vrais. Non, moi je veux tout avec moi. Attention, si Maître Felloneau vient, ne vous asseyez pas derrière elle, car quand ça va tomber d'un coup, vous savez, tout remonte et vous pourriez prendre un coup en pleine tête. Bon, allez, nous allons nous retrouver, en tout cas pour le gagner. Vous ne m'épargnez jamais. Ah, mais c'est la beauté que je mets en avant. Oui, vous êtes peut-être l'une des plus belles femmes du monde que j'ai vues. Ah oui, du monde entier. Je vous place entre Monica Bellucci et aïe, aïe, aïe. Bon, alors, je rappelle que pour gagner le voyage, 3210 touche numéro 2 et de nouveau numéro 2, ou bien SMS RTL au 74 900. Il nous reste des nouvelles à vous donner, bien sûr, de tous les cas qui sont en cours, mais également de cas qui se sont passés hier ou avant-hier sur l'antenne d'RTL. En vous rappelant que j'ai la chance de démarrer un tout nouveau one-man show 100% inédit, et les premières dates de ce qu'on appelle la tournée de rodage sont là. Il y aura... Oui. On va aller à Toulouse les 13, 14 et 15 janvier, mais également nous irons à Versailles les 20, les 21 et les 22 janvier, et nous serons à Lille en février. Tu seras là, je sais qu'on va s'éclater. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. or to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, block the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spring and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G. My mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break. Nous allons donner la parole une nouvelle fois à Marie, cette fois-ci pour un cas d'urgence. Rappelez-vous, c'est Laurence qui nous dit qu'elle est obligée d'aller vivre dans un centre de sans domicile fixe à cause d'une histoire de Pôle emploi qui ne lui a pas versé l'argent à temps. Elle avait le droit à une formation qui débouchait sur un CDI. Seulement, la formation avait lieu loin de chez elle, donc elle y va. Elle avait besoin de cet argent pour se loger, pour se nourrir, et à un moment donné, n'ayant pas l'argent, son compte s'est retrouvé à zéro. Elle a dit, je ne peux plus continuer la formation, puisque je ne peux plus me loger ni manger. Je ne peux plus venir, je ne peux plus habiter sur place. Elle a dit à l'employeur, est-ce que vous pouvez m'attendre? Il a dit, j'attends une semaine, j'attends deux semaines. Et au bout d'un trois semaines, il a attendu. Il a dit, maintenant, je n'entends plus, je prends quelqu'un d'autre. Donc elle dit à Pôle emploi, à cause de vous, j'ai perdu toutes mes chances, parce que l'argent n'a pas été donné à temps. Marie. Donc voilà, il n'y a pas de CDI, il n'y a pas eu de formation, Julien, il n'y a pas eu de remboursement ou de paiement de la part de Pôle emploi, donc il fallait se battre. Il y avait trois points. De un, le relogement, sachant que Laurence n'avait plus d'appartement à partir du 6 octobre. Oui. Donc depuis le 6 octobre, heureusement qu'elle a rencontré quelqu'un de très sympa qui l'héberge, mais pour l'instant, il ne se passe rien. De deux, on devait trouver une nouvelle formation. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a eu rendez-vous avec l'agence de Montpellier cette semaine, oui, et que normalement, dès début novembre, elle aura une nouvelle formation. Pôle emploi s'est engagé. Et troisième point, l'indemnisation concernant l'erreur de Pôle emploi. Concernant ce problème, on négocie depuis un bon bout de temps avec Jean-Baptiste Lafaille, qui est au service presse de Pôle emploi, et normalement, il y a un rendez-vous avec la médiatrice régionale, donc qui se trouve à Montpellier, cet après-midi, avec Laurence. Donc on suit le dossier, on ne lâche pas. Demain, vous me refaites un point avec Pôle emploi. Parce qu'il faut aussi qu'ils nous expliquent. Ah oui, moi je veux qu'on revienne. Il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont donné l'argent en retard aussi. Donc demain, sur l'antenne d'RTL, c'est promis, Marie, on le fait, vous le notez. Hervé, rapidement, Money Time. Allez, on revient sur le cas de Sylvie et sa bague de fiançailles. J'espère qu'elle est en ligne. Je vous annonce la nouvelle. Allez-y. Allez, très rapidement. J'ai l'accord de Sophie Pradon, la directrice de la com de Histoire d'Or. Elle sera remboursée de sa bague. Est-ce 260 euros. Bravo Hervé, est-ce qu'elle a entendu l'auditrice? Un grand merci. Allez, bon mariage. Merci. À bientôt, merci beaucoup, bravo Hervé. Et maintenant, nous partons à Disney. Avec qui? Nous allons le savoir, puisque ça va sonner la magie de Disney, le parc le plus incroyable. Je vous assure, quand vous rentrez là-dedans, vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Ce n'est que sourire, beauté, attraction, sensation. Et nous allons peut-être inviter... Oui, allô? Bonjour Hélène. Bonjour Julien. C'est Mickey. Bonjour Mickey. C'est vrai que tu vas venir avec tes enfants me voir? Oui, c'est super. Ah, oh, je suis très content. Oui. Oh, c'est bien Hélène, vous allez partir à Disney Hélène, vous qui êtes dans les Côtes d'Armor. Ah, c'est génial. Voilà. C'est fantastique, c'est super. Elle a combien d'enfants Hélène? Alors, elle a 4 enfants, mais bon, va falloir qu'elle fasse un choix. Ah bah oui. Oh, il y en a un qui est grand, lui, voilà, il laissera au petit. Oui, il y en a un qui est grand. C'est et génial. Non, il y avait une qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hélène? Je suis femme de ménage. Eh bien, Hélène, vous allez vous éclater à l'hôtel. Vivez la magie Disney. Merci, tonton Georges. Merci à Disney qui gâte nos auditeurs. Gros bisous, Hélène. Merci beaucoup. Merci, RTL. Au revoir. Gros bisous à mes enfants. Ça marche. Au revoir. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boots tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20 euros de réduction tous les 50 euros d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Qu'est-ce que le bonheur ? L'univers a-t-il un commencement ? Juillet ou août ? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 euros. Avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Et pendant le mondial de l'automobile, profitez de reprises exceptionnelles sur toute la gamme Citroën. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Chez Lidl sur mer, oui. En ce moment, c'est la foire aux poissons ici. Et les filets de cabillaud, ils nous les font à 11,99€ la barquette d'un kilo. Quoi ? 11,99€ le kilo de filet de cabillaud chez Lidl ? On a vraiment pas de peau. Hein. Comme les filets de cabillaud, hein, sans arête et sans peau. À moins de 12€ le kilo, je pourrais en embarquer quelques barquettes, patron, non ? Arrête, oui, parce que là, ça me reste au travers de la gorge. Hein. Oui, là, ça fait mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 8 octobre. Pêchez en Atlantique Nord-Est. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bonjour Stéphane, qui est votre invité ? Invité, cher Julien. Oh, il y a de l'écho. C'est Jean Tellet. Jean Tellet qui publie Comme une respiration. Alors, il n'y a pas de crime aujourd'hui, c'est dommage, mais bon, on a plein de belles histoires à raconter aux auditeurs. On va écouter tout ça et puis on se retrouve mardi hein, pour les 50 ans d'RTL. Oui, on sera ensemble aux commandes, j'ai ça vu marche, ça. Ça marche, avec grand plaisir. Merci pour Stéphane. Quelle joie, merci Julien, bonne journée. Merci à toutes les équipes, c'était la consultation instantanée. Vous avez appelé, nous avons essayé de régler vos problèmes. Merci d'être sur RTL. Bon, Titine, le froid arrive et je ne voudrais pas que tu me fasses le coup de la panne. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. En ce moment, chez votre réparateur AD, c'est moins 25% sur le kit de distribution et 18 points de contrôle offerts. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions de l'offre sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 11h. L'information sur RTL, c'est avec Anne Le Hénaff. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour à tous. Les procédures disciplinaires se multiplient à la SNCF après les grèves du printemps, notamment contre la loi travail. Une centaine de cas chez Sudrail, dénonce le syndicat, qui demande l'arrêt de ces sanctions et organise un rassemblement à midi à Paris, près de la gare de l'Est, afin de soutenir un délégué du personnel qui est menacé d'une mise à pied de 4 jours. Le défenseur des droits s'inquiète à l'approche de l'évacuation de la jungle de Calais. Selon Jacques Toubon, le démantèlement pourrait commencer le 17 octobre prochain, dans 11 jours donc. Or, le dispositif d'accueil pour les mineurs non accompagnés n'est pas opérationnel. Jacques Toubon demande au ministre de l'Intérieur de lui préciser combien de places d'hébergement ont été créées et où. Les préfets ont jusqu'au 15 octobre pour identifier quelques 8200 nouvelles places. La question du jour de RTL Midi à propos des maladies chroniques. Faut-il lier le remboursement à 100% au suivi médical ? C'est une proposition de Nicolas Sarkozy qui concerne donc les maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Les malades qui ne respecteraient pas les recommandations comme faire plus de sport ou bien manger, pourraient ne plus être prises en charge à 100%. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votez dès maintenant sur notre site internet rtl.fr. Réponse dans RTL Midi à midi et demi avec Christelle Robière et Vincent Parisot. L'ouragan Matthew poursuit son chemin. Les vents soufflent à 185 km/h. Il a fait au moins 27 morts dans les Caraïbes, essentiellement en Haïti. Des milliers d'Américains ont reçu l'ordre d'évacuer le littoral atlantique de la Floride, où cette dépression géante doit arriver la nuit prochaine. Football, Benzema est sélectionnable, selon Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot. L'affaire est encore en cours. À titre personnel, je trouve que cela traîne trop, dit-il dans le Figaro ce matin. En bleu, il n'a jamais posé de problème, explique Noël Le Graët. Karim Benzema, qui a été écarté à cause de l'affaire de la sextape, ne figure pas sur la liste de Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de qualification des Bleus pour le Mondial 2018, demain contre la Bulgarie et lundi prochain face aux Pays-Bas. Le temps, le ciel sera maussade de l'Est, de Midi-Pyrénées au Languedoc-Roussillon, puis à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse avec des pluies soutenues. Ça va s'améliorer un peu dans l'après-midi sur Poitou-Charentes, Limousin-Aquitaine et l'Ouest de Midi-Pyrénées. Ça sera nuageux sur Auvergne et Rhône-Alpes, partout ailleurs, donc sur les deux tiers nord du pays. Le ciel sera bleu, sauf près des frontières belges et allemandes où des nuages feront leur apparition. Et à signaler toujours ce vent d'est sur toute la moitié nord du pays. Les températures pour cet après-midi de 14 degrés à Lille à 23 degrés à Toulon, en passant par 15 degrés à Metz et à Nancy. 16 à Reims et Strasbourg, 17 à Paris, 18 à Lyon et à Toulouse, 19 à La Rochelle, 20 degrés à Bordeaux, 21 à Marseille et le maximum 23 degrés donc pour Bastia et Toulon. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovantes, performantes et durables. Votre projet sur mesure commence sur Viessmann.fr. Les courses à Fontainebleau, voici les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet Plus. 7, As, 5, 9, 13, 2, 11 et 12. La dernière minute de Bernard, c'est l'As Miasson. 11h03 sur RTL, c'est l'heure de retrouver Stéphane Bern à la bonne heure. Oui, bonjour Anne. Bonjour. Et on vous retrouve Anne Le Naf à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité, voir si elle a évolué ou si c'est la même. Voilà, absolument, mais tout à l'heure. Maintenant, nous sommes dans À la bonne heure avec notre invité Jean Tellet. Comme une respiration, son nouveau livre chez Julliard. Chaque fois qu'il sort un roman ou un livre, quel qu'il soit, d'ailleurs des nouvelles, peu importe, c'est toujours un événement et on est ravis de le célébrer ici sur RTL. Mais d'abord, eh bien, je vous présente les petits camarades qui vont vous opérer. Très bien. C'est important. C'est pas ils n'ont pas l'air sympas. Si. La chanson du jeudi consacrée à notre invité, vous l'entendrez juste après le journal de midi et elle est bien entendu signée Oldelaf. Bonjour Oldelaf. Ben, salut à tous. On a une semaine People très chargée, d'abord parce qu'il y a eu la Fashion Week, des dégâts collatéraux. Il y a une pauvre fille qui a perdu 9 millions d'euros de bijoux. On parlera que de ça. Il faudrait faire une quête. Kim Kardashian. Mais oui, mais c'est incroyable. Quand on a 9 millions de bijoux sur soi, on a combien en banque? Ah bah ça, c'est rien. Non, en fait, elle avait tout mis là-dessus. Ah bon, il y a peut-être tout là-dedans. Vous avez, Jean, elle a tout sur elle. Y compris la plastique. D'accord. Toute sa fortune, c'est dans son cul. Je veux dire. C'est son coffre. Elle a fait refaire ses fesses. Ah oui. Je veux dire, Stéphane, vous faites toute ma chronique. Pardon. Eh bien, c'est Edouard Dutour qui est là pour nous en parler. Bonjour.